J'préfère vendre des raids pas, les yet pas. A tous ceux qui veulent test, mes gars, déteste-moi, dépêche-toi. Un peu déboule et peur après de chez toi. A tout moment, on pète tout paraît nul part. On vit au jour le jour, on se tape comme Ali ou Sugar. Mon art, l'hip hop, toujours au top. Qui t'a troué l'anti-pop, connard, c'est pas de la pop. Ton hard rock, j'vais le stop. Pas besoin de spot, c'est à l'arrache. T'as à l'ancienne, traitez pas les meufs de chaîne. La vie sans elle serait moins belle. Les décibels bêtes, ça pète, donc j'roule un pète. Mes textes sont égo trip, ton petit matek, vas-y arrête. Mais j'suis dans mon lire des chirdés. Tous les jours j'esquive les kiss des. J'croise des mises, des potes et des mecs que j'veux gifler. Mon sexe s'achève, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. 5-4 meurs des Moselle, y'a que des MC et des guerriers. Tous les jours c'est la même, tous les jours c'est la même. On se retrouve entre frères, on quitte les textes pour exprimer notre sa'af. Faut que l'état nous laisse, faut que les chaises nous laissent. Même en temps de galère, la seule chose à faire, à la chasse pour les billets verts. Ne te plains pas si le temps passe pas, en passant toute une journée sur le terre-terre. En repartant, j'lève mon gros doigt envers les commères, en direct de la chair. Avec mes frères on déchire sur les prods, on rigole pas. Au stand de tir, quand ça tire tout tous les jours, c'est la hesse, un AS, pas sa bras, ça gratte sur une feuille blanche. Ça ramasse les liasses sur le terrain, on préfère prendre des risques, bâtard. C'est pour ceux qui ont vécu depuis petit peu au plus grand âge, qui nagent dans la galère. Ce son n'a pas l'air de plaire à ces chéquems de l'état. Nous on remet les pendules à l'heure pour exprimer notre colère. On va vous fumer, bande de sales commères. 5-4, c'est la belle bonhomme. La 8 du flow caramelo, qui laisse des impacts de parabellum. T'es déçu ma belle, tu t'attendais à un bel homme. Ben non, j'mise ma rime pour me faire un nom, pour te faire de l'ombre. C'est pas avec ma gueule de Shrek que chinerai autre chose que des formulaires et des chèques. J'rentre pas en discothèque, ma m'accompagne par des schnecks. J'ai la barre d'un terreau, mais pas la dégaine d'un atello. J'ai souvent frôlé les zéros dans les altéros, parce que j'ai pas les chez de professeur, même quand j'allais chez le proviseur. J'ai fait mes classes en gardant les pieds sur le terre-terre, équipé d'un micro conçu par Black et des Kers. Pourtant j'suis pas un gangster, j'ai jamais braqué des Kers. Même si j'rappe sincère, pas pour embarquer des Kers. Ok,